Maintenant, dans la confusion, il y a de l'intelligence. Quand vous serez confus, quand vous vivrez la confusion, essayez de remarquer que dans la confusion, il y a un centre d'énergie, il y a comme un noyau. Et ce noyau représente l'intelligence de la situation, mais non perçue psychologiquement à travers les mots ou les pensées par l'ego. Autrement dit, il est possible à l'homme de savoir, dans la confusion, qu'il s'en va par là. Mais il lui est impossible de savoir, dans la confusion, comment il va s'y prendre. Comprenez-vous ce que je dis? Il sait qu'il s'en va par là, même si l'état de confusion est très profond. Ceci ne peut pas lui être enlevé, parce que déjà dans la confusion, il y a de l'intelligence. Autrement dit, il n'y a jamais dans l'homme de la confusion sans intelligence. Mais l'ego n'est pas habitué à la psychologie et à la compréhension des lois de l'esprit et de l'intelligence universelle en lui. Donc, n'étant pas habitué, il ne voyait que les aspects périphériques de la confusion. Il n'osait jamais et il n'aurait jamais pu aller dans le centre d'elle-même et de s'asseoir et de vivre et de sentir et de percevoir l'intelligence dans ce centre. Et s'il avait pu faire ceci, déjà depuis très longtemps, l'ego n'aurait pas souffert psychologiquement. Vous remarquerez, maintenant que je vous l'indique, qu'il y a dans la confusion un centre d'intelligence qui ne peut pas vous être enlevé. Parce que là où il y a confusion, il y a intelligence qui sert à vous amener à un autre taux de vibration pour l'acheminement de vos activités sur la Terre et pour l'organisation éventuelle de l'énergie dans vos corps par l'expérience que vous devez vivre. Mais comme l'ego est seul dans la confusion, comme il ne peut pas être soulagé si elle est forte, cette confusion, il est obligé de souffrir. Lorsqu'il n'est plus seul dans la confusion, c'est-à-dire lorsqu'il a conscience de l'origine de son intelligence, lorsqu'il a conscience de lui-même sur un autre plan, lorsqu'il est conscient de son esprit, lorsqu'il est conscient de son double, à ce moment-là, il n'est plus seul dans la confusion. Il est déjà avec un partenaire qui ne lui parle plus, parce que dans la confusion, le double ne communique pas avec l'ego. Seul l'astral parle à l'ego. Donc, ceci est une clé importante. Dans la confusion, il n'y a pas de communication entre le double et l'ego. Il n'y a que le rapport vibratoire entre le double et l'ego qui devient un centre d'énergie, d'où l'ego peut puiser la certitude de son intelligence malgré toute la mascarade, malgré tout le cirque qui se passe autour de ce centre. Et s'il y a communication, s'il y a parler, langage, pensée, ça ne vient pas du double, ça vient de l'astral. Donc, si l'ego sait ceci, si on lui explique ceci et qu'il le vérifie dans l'expérience, il saura se retirer dans la confusion, du phénomène périphérique de cette confusion, pour s'asseoir profondément dans le centre de cette confusion et maintenir contact avec l'énergie du double. Et lorsque ceci sera fait, l'énergie de la confusion se dissipera et l'ego continuera sa route, n'ayant plus souffert dans son mental et dans son émotion. C'est impossible au double de communiquer, ou c'est très difficile au double de communiquer lorsqu'il y a confusion dans l'âme, parce que il y a un nuage autour du centre d'énergie qui est son mental supérieur. Donc, la communication ne passe pas. Là où il y a confusion, tension quelconque, le double peut ne pas communiquer avec l'âme. Donc, l'homme ne peut pas, l'ego ne peut pas avoir de rapport vibratoire télépathique avec son double. Ceci augmente la tension de la confusion. Mais une fois habitué, l'homme peut vivre cette tension, ne pas s'assujettir au phénomène périphérique et ne pas tomber dans la trappe de l'astral sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Est-ce qu'il y a... C'est assez clair, la confusion? nous devons tout comprendre. Tout comprendre. Parce que si nous comprenons tout, nous ne pouvons plus ensuite perdre conscience de ce que nous vivons. Si nous perdons moindrement conscience de ce que nous vivons, nous perdons l'intelligence de ce que nous faisons, donc nous faisons des erreurs, donc nous ajoutons à la possibilité d'événements qui pourraient demain créer la confusion. L'homme est un être très sain. La mécanicité de l'homme, de son esprit, de son intelligence, est très sain, mais elle peut devenir très complexe. Et elle devient complexe par le biais de la confusion. C'est la confusion qui rend l'esprit de l'homme, la psychologie de l'homme, le mental de l'homme complexe. Mais le phénomène humain en lui-même, dans sa vertu essentielle, dans sa collusion avec l'énergie, c'est un phénomène très sain. Il n'y a rien de plus sain qu'un homme. Un homme peut très facilement se comprendre, peut très facilement comprendre les âmes, s'il est dans son énergie, mais s'il n'est pas dans son énergie parfaitement, parce qu'il y a trop de confusion en lui, il est évident que la constatation et l'observation de lui-même, ou l'observation des autres, peut devenir un fardeau. D'où la dislocation entre l'énergie et l'ego. D'où, alors, le pouvoir de l'astral, de l'âme sur l'ego. Le plus grand danger de l'humanité, c'est de ne pas pouvoir s'élever au-delà du vrai et du faux. Le plus grand piège de l'homme, c'est le vrai et le faux. Le vrai et le faux, c'est la mesure de l'involution. C'est la programmation de l'involution. C'est terrible, le vrai et le faux. C'est très difficile à l'homme de s'imaginer que le vrai et le faux n'existent qu'en fonction de sa psychologie. Que le vrai et le faux n'est qu'en fonction de sa psychologie. Regardez le mahomédan, regardez l'hindou, regardez le chrétien, regardez le juif, regardez la polarité des religions. C'est le vrai et le faux qui a été le couteau tranchant de la guerre entre les âmes. Et nous sommes tellement habitués à cette expérience psychologique que lorsqu'elle est mise, non pas en doute, mais lorsqu'elle est testée par l'énergie à travers la confusion, nous souffrons énormément parce que nous perdons le pied que nous avions dans le passé, dans l'attachement émotif pour le vrai qui nous convient, pour le faux qui convient à l'autre. C'est inouï. Un jour, vous le réaliserez dans votre propre intelligence. Vous le comprendrez dans la profonde réalisation de l'énergie, de l'intelligence dans votre mental. Un jour, vous le reconnaîtrez par vous-même. Ce n'est pas quelque chose que nous reconnaissons parce que quelqu'un le dit. C'est quelque chose qui fait partie intégrale du puissant refoulement chez l'homme de ce que vous appelez son inconscience. Pourquoi l'inconscience, ou les psychologues parlent de l'inconscience? Pourquoi l'inconscience existe chez l'homme, ou le subconscient existe chez l'homme? Parce qu'il y a en l'homme du vrai et du faux. Le subconscient est fait du vrai et du faux. En général, l'homme se garde le vrai dans la conscience et garde le faux dans le subconscient. Rares sont les hommes qui se servent du faux dans leur conscience, excepté ceux qui sont astralement débalancés et qui peuvent, comme le marquis de Sade ou des Hitlériens, menacer l'humanité d'une sorte d'extinction d'esprit. Donc, lorsque nous vivons du vrai, nous avons conscience inconsciente. Lorsque nous vivons du faux, nous le repoussons dans ce que nous appelons notre inconscience. Si l'homme pouvait vivre dans sa conscience diurne, le faux qui existe dans son subconscient, il serait automatiquement envoyé à la grande bâtisse. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la grande bâtisse sont justement ceux qui, dans la conscience diurne, ont accès un peu au vrai qui faisait auparavant partie de leur subconscient. Ce subconscient se traduit en images, se focalise dans leur champ d'action mentale et émotionnelle sur le plan de vie diurne et ils sont automatiquement considérés comme arriérés ou aliénés mentaux. Donc, Jacques Dieu, l'humanité, a constaté un jour, par ma vision des choses, que le vrai empoisonne l'homme et que le faux lui empêche de constater qu'il y a en lui suffisamment d'intelligence pour se servir de lui pour éclairer le vrai, qui est une autre contrefaçon du faux, mais sur le plan de la conscience diurne. C'est une constatation de fait. Et je le cite, je le dis, je l'explique que ceci n'est que du domaine expérientiel de l'homme. Mais ce n'est qu'une constatation de fait dans l'expérience parfaite de l'énergie que tout ce qui est donné à l'homme par la voie de la parole inscrite dans le livre esque fait partie du vrai et du faux. Et ce qui est donné à l'homme par la parole juste ne fait pas partie du vrai ni du faux. Très difficile à l'ego de constater ceci. Comment l'ego peut-il constater quelque chose qui est réel lorsque lui-même ne l'est pas? Comment voulez-vous que l'ego constate du réel, de la réalité, un aspect de la réalité, lorsque lui-même ne l'est pas? Impossible. Il est obligé de vivre de la dualité du vrai et du faux. D'où la nécessité, éventuellement, s'il va vers la transmutation, de subir, de vivre la puissante souffrance de la confusion créée en lui par l'énergie de son double qui doit se défaire complètement de cette polarité. Et autant le vrai et le faux dans la dimension morale du sens existent, autant le passé et le futur fait partie du vrai et du faux. Donc, dans la généalogie de la parole, pour l'entretien psychique et vibratoire de l'intelligence de l'homme dans la matière, le vrai, c'est le futur, le faux, c'est le passé. Et il y a un rapport entre le vrai et le futur, et le faux et le passé. Mais ce rapport ne peut pas être compris psychologiquement. Il ne peut être compris que lorsque l'homme est établi solidement dans une dimension parallèle. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme peut voir que le vrai, qui fait partie du futur, est plus sain que le faux, qui fait partie du passé. Mais c'est aussi dans cette situation qu'il peut s'apercevoir que le vrai, qui est plus sain, peut servir aussi à l'engouffrer dans le faux parce qu'il ne connaît pas son avenir. Donc, il projette, et ceci fait partie de son expérience. L'homme est un être d'énergie. Il n'est pas simplement un être fixé dans une matière solide quelconque. Et lorsqu'il réalise qu'il n'est qu'énergie, lorsqu'il a un centre de mentation qui est au-dessus de la dualité du vrai et du faux, il s'aperçoit très bien qu'il ne peut pas être s'il prend conscience de l'un ou de l'autre. C'est pour ça que ceux qui sont spirituels ou ceux qui mangent de la spiritualité et ceux qui boivent le sang du Christ, faites attention de ne pas vous saouler. Vous saouler par l'imagination. Autrement dit, de vous empêcher éventuellement dans le temps de reconnaître que ce qui a été servi à l'homme dans le passé, que ce qui a été bon à l'homme dans le passé, faisait partie de la nourriture que l'homme devait se nourrir dans le passé. Mais l'homme n'est plus dans le passé, il est dans le présent. Et dans le présent, on ne mange pas du vin ou du pain. Autrement dit, on ne mange pas de symbologie. Autrement dit, on ne mange pas de sentiments. On ne vit que d'énergie. Et cette énergie, c'est la même nourriture, c'est la même matière dont était fait la conscience sublime du Nazaréen. Alors vous vivrez la confusion. D'ailleurs, je vous parle ainsi pour la créer. Si moi je ne crée pas la confusion dans vos esprits, qui va la créer? Mieux que ce soit moi que d'autres. Ou bien moi je sais la défaire, tandis que d'autres peuvent la créer et ne pas pouvoir la défaire. Donc vous êtes pris avec. Mais ça encore, ça peut lier à la confusion. Ah, mais je pense que j'ai été assez confus.